qu'on n'a rien su faire. On n'a plus rien à perdre. Un peu de ventre et d'écho. Et quelques langues à défaire. Pour les revoir se plaire. Nous, nous, nous, nous on s'en fout. Sur France Bleu et nous sommes avec Rémi qui nous appelle de Vérine. Bonjour Rémi. Bonjour. Alors Rémi, est-ce que c'est un clignotant pour tourner à droite ou est-ce que c'est les warnings parce que vous êtes... C'est les warnings parce que je suis garé sur le bord de la route en débouchant du travail. Vous avez bien fait Rémi. Alors Rémi, c'est simple. Vous connaissez le parc d'attractions Family Park ou pas du tout? Eh bien pas du tout, mais ma fille m'en a parlé pas plus tard qu'hier soir. C'est incroyable. Voyez-vous, ça c'est les énergies, hein. C'est les énergies. Il faut croire, c'est la loi de l'attraction, Rémi. Exactement. Voilà, votre fille vous en a parlé. Vous repartirez probablement. Vous avez combien d'enfants, Rémi? Deux. Bon bah, ça tombe bien. Nous, exactement, on vous offre quatre places, deux pour adultes et deux pour enfants. Alors bah, d'abord, faut répondre à cette question, Rémi. Certains mois de l'année comportent 31 jours. Combien en ont 28? Est-ce un mois ou 12? Eh ben, les 12 mois de l'année en 28 jours. Ah, les 12 mois. Alors ça, est-ce que vous pouvez nous donner une petite explication, Rémi, à Dorine? Vous savez, Dorine, c'est celle qui réalise l'émission. Je lui ai posé la question juste derrière et elle m'a dit, bah, un, comme si c'était une évidence. Vous pouvez nous dire pourquoi 12? Eh ben, dans tous les mois de l'année, vous avez au moins 28 jours. Ah, ben voilà. Dorine, c'est bon ou pas comme explication? Bon ben voilà, elle approuve Dorine. Merci infiniment en tout parfait. Cas Rémi, les quatre merci places sont vous. Pour vous, profitez bien. Vous saluez vos enfants de notre part et également votre fille, vous lui dites qu'elle est très forte. Hein. Eh ben c'est parfait, merci beaucoup. Profitez bien, merci infiniment. Au revoir. Au revoir et tout de suite on continue en musique avec The Cure, Lola B sur France Bleu. chocolates. Spider-Man comes softly through the shadow of the evening sun, stealing past the windows of the blissfully dead. J'oublie mon nom sans toi et je ferme les yeux. prochain revoir auprès de moi. Christophe Willem, je tourne en rang sur France Bleu tout de suite, dans un instant, le journal de 18h, présenté par Joséphine Ortuno, et on fera également un petit point sur la météo et le trafic. À tout de suite. Et nous sommes toujours sur France Bleu. Alors, je ne sais pas. Qui m'a perturbé là à l'instant? Qui sont les personnes qui m'ont perturbé? C'est Orso et Julien. Bon, ils sont là. Voilà, tout simplement, ils sont en train de discuter de la Corse et également de l'Alsace. Donc, vous êtes toujours sur France Bleu. Restez avec nous. Donc, dans un instant, comme je vous le disais, C'est pas beau de mentir, monsieur. Ça, c'est Orso, voilà, qui vient encore une fois, qui me perturbe. Je ne sais pas du tout. Je vous aime. Merci beaucoup. Et puis, je vous annonce également Joséphine qui s'installe ici parmi nous. Et donc, Julien, merci infiniment. Merci d'être passé. Puis à très bientôt. Orso également, merci. S'il vous plaît, soyez tout de même plus professionnel et plus sérieux. Donc, oui, je vous annonçais dans quelques instants, c'est le journal présenté par Joséphine Ortuno qui vient nous rejoindre dans un instant. On fera également un petit point. Salut, Julien. Un petit point sur le trafic également, sur ce qui se passe sur la route et la météo. On revient dans un instant, à tout de suite. Ce soir on sort, demandez le programme jusqu'à 19h sur France Bleu. France Bleu craque pour Christophe Maé et Amadou et Mariam. Amadou et Mariam, l'amour, en ce moment dans votre playlist 100% France Bleu. Vous l'avez vécu sur France Bleu La Rochelle. Le mon petit coup de cœur de la journée après The Maisonette, c'est Heritage Avenue. Pardon ? Sachez que le concert ce soir du groupe Skype The Use. Can you repeat, please ? Skype The Use. Paillettes et boules à facettes tout l'été grâce à France Bleu. Demain, c'est Heart, Wine and Fire. Alors, l'anglais n'est peut-être pas bon au niveau de l'accent, hein, mais terre, vent et feu. France Bleu La Rochelle, c'est bon pour le moral. France Bleu. Dans le monde, des enfants meurent de faim. Hélène a été sauvée grâce aux équipes d'Action contre la faim dans une région où sa maman n'a pas accès à l'eau potable et où il n'y a rien à manger. Pour les aider, mon papy a décidé de leur donner une partie de son héritage. Je suis fière de mon papy. Est-ce que vous le saviez? Action contre la faim peut devenir votre héritier. Pour un monde sans faim, pensez à la transmission en faveur de notre association. Vos volontés seront respectées. Demandez la brochure sur les legs et assurances vie sur actioncontrelafaim.org. France Bleu, connecté à notre région. Ici, c'est France Bleu. Soyez les bienvenus sur France Bleu. Alors aujourd'hui, tout le monde s'est invité autour de nous pour célébrer cette journée qui est riche en soleil, en chaleur. Bienvenue à vous tous sur France Bleu, il est tout pile 18h. Il fait beau, il fait chaud, il fait entre 26 et 30 degrés. On peut dire que l'été fête son retour. N'oubliez pas de vous protéger du soleil avec de la crème solaire et de rester hydraté tout au long de la journée. La météo un peu plus détaillée, ce sera après le journal présenté ce soir par Joséphine Ortuno. Bonsoir Joséphine. Bonsoir Mehdi, bonsoir à tous. On commence par cette info à Angoulême. Le maire revient sur l'arrêté anti-marginaux. Deux jours après son annulation partielle, Xavier Bonnefond annonce qu'après une période de sensibilisation, les verbalisations commenceront. Désormais, sur la place de l'Hôtel de Ville, la rue Hergé ou encore le boulevard Thiers, toute occupation abusive sera passible d'une amende de 35 euros, Pierre Marsat. Le tribunal administratif a tranché, hormis la précision sur la station assise ou allongée, jugée jugée trop imprécise ou le retrait de 8 secteurs d'application sur 22, l'arrêté n'est pas suspendu. Il s'attaque à toute occupation abusive de l'espace public. Mais on peut se demander où commence et où s'arrête l'ordre public. Définition, Xavier Bonnefond. L'ordre public se perd dès lors qu'on importune de manière agressive, en étant alcoolisé, que ce soit verbalement ou que ce soit physiquement, les gens qui circulent sur l'espace public. 350 mains courantes ont été déposées ces derniers mois à Angoulême pour atteinte à la tranquillité publique. Adrien a 36 ans, ce routard nantais vit à Angoulême depuis un an. Avec ses trois chiens, il a posé ses sacs et ses couvertures dans la rue piétonne d'Angoulême. Pour lui, c'est sa liberté qui est en jeu. Ouais, en fait, c'est des gens merdes, des faux bourgeois d'ici, en fait, comme le maire. Parce qu'en fait, les lois qui font atteinte à la liberté des droits de l'homme. Pendant la discussion, un homme s'arrête et dépose une pièce dans la petite soucoupe d'Adrien. Cet enseignant charentais veut prendre soin aussi de ceux que l'on oblige à prendre soin de notre tranquillité. Là, quand on fait un arrêté comme ça, on traite les conséquences, on ne traite pas les causes. Donc à un moment, il faut essayer de voir comment on peut aider certaines personnes avant. C'est surtout le périmètre du quartier de la gare qui va être modifié pour l'application de cet arrêté de tranquillité publique. Pierre Marsat pour France Bleu Poitou-Charentes. À Châtellerault, dans la Vienne, un enfant de moins de 2 ans a fait une chute de 3 étages hier soir. Ça s'est passé vers 17h dans le quartier de la Plaine d'Ozon. Très gravement blessé, l'enfant a été transporté à l'hôpital de Tours. Une enquête a été ouverte pour savoir s'il y a eu des négligences ou non de la part de la famille. Toujours à Châtellerault, justement, la circulation est en cours de rétablissement sur l'autoroute A10 dans la Vienne. On circule désormais sur une seule voie et ça va être comme ça toute la soirée et sur une bonne partie de la nuit, le temps que les agents de la route évacuent le poids lourd qui a pris feu et effectuent des réparations. Elisabeth Borne déplore un drame épouvantable. La première ministre est longuement restée en Alsace, à Wittenheim, là où 11 personnes en situation de handicap sont décédées. Leur gîte s'est enflammé très tôt ce matin. La priorité, identifier les victimes. L'enquête doit également définir l'origine de l'incendie. Une cellule psychologique a été ouverte sur place. Une macabre découverte sur une plage de l'île de Ré. Oui, c'est à la flotte en Ré qu'un dauphin en état de décomposition a été trouvé. Ce sont des promeneurs qui l'ont vu hier soir sur la plage du Pas de Pro. Ce matin, le cadavre a été enlevé par la mairie. Selon Pélagis, le centre de recherche des mammifères marins, le dauphin serait mort depuis plusieurs semaines. Pour l'instant, impossible de savoir s'il a été victime d'une capture accidentelle par un pêcheur. C'est le premier dauphin mort retrouvé sur une plage de l'île de Ré depuis les arrivées massives de cet hiver. Plus qu'une semaine avant le versement de l'allocation de rentrée scolaire, et c'est sûrement quelque chose que vous attendez pour acheter toutes les fournitures. Et cette année, les montants augmentent de 5%. Dans les Deux-Sèvres, plus de 13 000 familles sont concernées, tout comme en Charente, ce qui représente 21 000 enfants pour l'un et 20 000 pour l'autre. Retrouvez plus d'informations sur notre site francebleu.fr. Des vacances zéro carbone, c'est possible. Et c'est une famille poitevine qui nous le prouve. Comme chaque été, Guillaume et ses enfants partent en vadrouille dans la Vienne. Tout un parcours qui se fait uniquement grâce à leurs jambes. Et alors, ils sont très organisés. Derrière eux, ils tractent des petites charrettes. Pour l'itinéraire de l'été, Guillaume a motivé 11 autres personnes, dont 6 enfants. Irène Prigean, loin des tablettes, smartphones, piscines et clubs vacances. Les jeunes suivent la marche avec enthousiasme. 10 bornes à parcourir chaque jour avec le matériel de camping. Les vacances sont sportives, mais Lison a encore de la réserve. Il y avait quand même beaucoup de montées et beaucoup de descentes. Mais non, ça va. On a un peu mal aux pieds parfois, mais on s'arrange. Et quand les enfants sont trop fatigués pour marcher, ils se reposent dans des petites charrettes tractées par les adultes. Roxane, 6 ans, en profite pour déguster quelques prunes trouvées sur la route et admirer le paysage. Ce qui me plaît, c'est qu'on peut marcher, on peut monter dans les charrettes. Enfin, on est libre. Après, on voit souvent des vaches, on voit souvent des paysages très beaux. Et tu te sens en vacances ? Ouais, je me sens vraiment en vacances. Sabine, elle aussi, a commencé très jeune les vadrouilles dans le Poitou. Adolescente âgée de 18 ans désormais. Au collège, j'aimais moins ça. J'avais plus besoin de confort, de sécurité, de passer des vacances au bord d'une piscine. Enfin, voilà, une collégienne du 21e siècle. Et puis après, je fais mes études là depuis 3 ans. Je viens en marche aux charrettes avec enthousiasme. Pour tous les bons moments qu'on passe, en fait, à chaque fois, c'est pas ce qui va nous arriver, quoi. Mais en fait, à chaque fois, ça se passe toujours bien. Et pour se motiver sur la route, rien de tel qu'une petite chanson entonnée à plusieurs. La famille arrive ce soir à Solgé, près de Montmorillon. Le groupe envisage de rentrer à Quincé, comme il est venu à pied. En football, les Chamois Niortais se dotent d'un joueur expérimenté. C'est l'international gabonais Bruno Ekwele Manga qui s'engage avec le club de Sévrien. À 35 ans, le défenseur a joué plus de 400 matchs professionnels. Les Chamois qui jouent demain contre Avenches pour la première journée du championnat de national. Puis un petit peu de météo, Mehdi. La météo, oui, effectivement. Alors, il fait très beau. Il faut boire beaucoup d'eau hein, parce que ça peut perturber également les esprits. Il fait très beau aujourd'hui donc sur les départements du Poitou-Charentes. Pas de nuages. Hein. Pour le moment, le ciel est bien bleu. 26 à 30 degrés pour cette fin d'après-midi. Cette nuit, le ciel alors sera partagé entre nuages et éclaircies avec tout de même de faibles averses qui sont possibles par moment. Et ça va se prolonger jusqu'à demain avec une matinée qui sera couverte. Des nuages qui s'étireront sur les départements de la Vienne et des Deux-Sèvres accompagnés de risques d'averses. Ces nuages qui finiront tout de même par disparaître de manière progressive au fil de l'après-midi pour laisser place à un ciel dégagé et ensoleillé pour demain matin. Les températures 20 à 23 degrés qui continuent de grimper pour l'après-midi. 24 à 27 sur les îles et le littoral et dans les terres entre 30 et 32 degrés. 17h-19h, ce soir on sort sur France Bleu. Soyez les bienvenus sur France Bleu, il est à 18h07. Effectivement, il fait beau, on va passer un bon moment ensemble. Nous sommes ensemble donc jusqu'à 19h, toujours avec Dorine et Orso qui sont là pour réaliser cette émission. Laurie également qui vous attend, soit physiquement si vous voulez lui rendre visite et la saluer, ou tout simplement par téléphone au 05 46 50 67 68 pour nous signaler tout problème par exemple sur la route. Un moment de l'année qui nous offre une palette infinie de plaisirs et d'opportunités à savourer en continue évidemment, on parle de la saison estivale. L'été, cette saison qui célèbre la diversité des plaisirs, comme ce spectacle captivant qui enchantera petits et grands que je vous présente aujourd'hui. Ça s'appelle En attendant Coco, qui est interprété par la compagnie Le Loup qui zozote. C'est ce jeudi et vendredi 11 août, donc ce jeudi 10 et vendredi 11, avec des présentations. La première présentation aura lieu à 11h et la seconde à 16h. C'est à Chauvigny. Les comédiens vous plongeront dans ce tourbillon d'histoires et de personnages fascinants où marionnettes et objets prennent vie pour émerveiller vos sens et enflammer votre imagination. La comédienne et marionnettiste Mathilde Chapeau nous en parle dans quelques secondes sur France Bleu. France Bleu, j'ai du mal aujourd'hui. Et nous, on commence tout de suite avec ce magnifique morceau de Robbie Williams, Supreme, sur France Bleu. Le bois était perdu dans un cercle solitaire. Tous en déserté de rue. Qui c'est les plus belles sont déjà pris. Si les plus beaux sont comme ils disent, que tout vient d'eux. Oh, tu prends la poste devant ta glace pour un nouvel inventaire. Avant d'y perdre la face, tu vous criez au secours. Nous voilà loué du jour. Aimer plus fort quand l'amour n'est plus là. Que tu restes fier pour survivre ici-bas. Dans le meilleur de toi-même. Et tu trouveras l'amour suprême. L'amour suprême. Tu veux, et sous la peau d'être seul, qui t'empêche de jouer ton jeu. Entre l'amour et le plaisir, quel est vraiment ton désir? Tu dois choisir. Oh, oublie toutes ces choses de la vie qui reviennent avant toujours. Le grand but de tes nuits, prends un ticket de ailleurs, sans te priver de bonheur, d'aimer encore. D'aimer plus fort quand l'amour n'est plus là. Que tu restes fier pour survivre ici-bas. Dans le meilleur de toi-même. Et tu trouveras l'amour suprême. L'amour suprême. Les plus beaux sont déjà prêts. Si les plus beaux stack up. Sit back and watch the royalty stack up. I know this girl, she likes to switch teams. And I'm a fiend, but I'm living for a love supreme. Suprême sur France Bleu. Et nous sommes avec non pas Mathilde Chabot, mais plutôt Emmanuel Guédon. Alors c'était ce qui était prévu, hein. Je vous l'annonce tout simplement, c'était soit Mathilde, soit Emmanuel. Bah, écoutez, j'ai tenté mon coup, hein. J'avais une chance sur deux, donc c'est bien Emmanuel pour nous parler de ce spectacle en attendant Coco, organisé par la compagnie Le Loup qui zozote. C'est ce jeudi et vendredi, donc à 11h, mais également à 16h. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Bah pardonnez-moi, alors vous étiez en train d'écouter, j'imagine, et puis vous avez entendu Mathilde Chabot. C'était pas contre vous, Emmanuel. Hein. Oui, il n'y a aucun souci, on s'entend très bien. Alors Emmanuel, elle me l'avait annoncé, Mathilde. Emmanuel, est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours en tant que marionnettiste et ce qui vous a attiré vers cet art qui est tout de même assez fascinant? Est-ce qu'on vous considère comme comédien ou vraiment marionnettiste à part entière? Eh bien, en fait, ce que l'on dit, c'est qu'on est comédien marionnettiste, parce qu'effectivement, le marionnettiste donne un vrai rôle à sa marionnette et doit interpréter les intentions, les déplacements de la marionnette comme un vrai acteur. Donc, on est vraiment acteur ou comédien marionnettiste. Acteur. Et puis, pour en revenir à... Oui, pardon. Oui, allez-y, pardon. Et puis pour en revenir à ce qui nous a amené à la marionnette, il y a 20 ans de cela, on a, avec tout un collectif, on a monté un premier spectacle de marionnette sans avoir de notion précise dans ce domaine-là. Et on nous a encouragé à continuer dans cette voie-là, mais il fallait effectivement se former. Et donc moi personnellement, j'ai suivi une formation à Paris au Théâtre Mains Nues pendant toute une année, et ce qui m'a permis de connaître un petit peu les ficelles, notamment de la marionnette à Gaines. Et l'aventure a commencé comme ça il y a 20 ans, et depuis on a créé régulièrement des spectacles à l'attention du jeune public en marionnette, et puis avec d'autres types de marionnettes depuis, effectivement. Dans ce spectacle, en attendant Coco, hein, c'est tout de même une performance unique qui mêle marionnette et objet. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment cette combinaison crée une expérience théâtrale spéciale pour le public, notamment les plus jeunes? Eh ben, elle est un peu spéciale parce que on mélange effectivement 5 types de marionnettes. Donc vous avez de la marionnette à gaine, la marionnette sac, marionnette de table, marionnette bâton et marionnette tige. Et on y mêle également des objets que l'on fait vivre également. Donc il y a toute une histoire de manipulation pendant le spectacle. Et on intègre également des débruitages et des instruments de musique en direct, ce qui donne un spectacle un peu particulier, sans bande son et axé vraiment sur le rythme et sur toute la gestion des différents types de marionnettes et d'objets et de musique. Voilà, c'est un spectacle qui dure 35 minutes, qui a un tout public à partir de 3 ans et qui a été créé en 2012, donc c'est le dernier en date de la compagnie du Loup qui zozote, et qui a depuis tourné à 520 représentations un petit peu partout en France et à l'étranger. Ce qui est incroyable, c'est vous qui l'avez créé, donc ce spectacle, Emmanuel Guédon, enfin vous, la compagnie Le Loup qui zozote. Oui, la compagnie de Lucky Zazote, on était Mathilde et moi sur le plateau et on a été dirigé par un metteur en scène ami qui est venu aussi avec une famille de marionnettes également qu'on a essayé. On en a certaines n'ont pas fait l'affaire, on a fallu en refaire, etc. Et ça a été une mise en scène collective. Puis deux autres personnes sont intervenues pour nous aider un petit peu dans la dans le final de la création. Et ensuite, une fois créé, ben, il a fallu encore 2 années pour vraiment le tester, le roder et lui donner un peu sa forme définitive, celle que l'on a actuellement. Donc là, il est, j'imagine, après ces nombreuses années bien rodées, est-ce que c'est un spectacle qui est destiné à un public en particulier ou bien c'est véritablement un public pour... c'est un spectacle pour tout le monde, tout âge ? Nous, on aime bien dire un tout public à partir de 3 ans, sachant que la tranche d'âge entre 3 et 5, 6 ans va y trouver tout l'aspect visuel, parce qu'il y a aussi toute une création lumière qui est faite à partir de ce spectacle-là. Donc des couleurs, donc un aspect visuel avec des animaux marins, etc. Et puis, à partir de 6 jusqu'à 9 ans, je dirais, il y a l'aspect technique, manipulation, et puis qui va intéresser cette tranche d'âge. Et un tout public parce qu'il y a des références pour les adultes, notamment des références au cinéma. Référence cinéma, vous allez nous en parler dans un instant, Emmanuel Guédon. Je rappelle le spectacle en attendant Coco de la compagnie Le Loup qui zozote, marionnettes et objets. Ça, c'est super important de le préciser. Donc c'est demain et vendredi également avec deux représentations, une à 11h et une à 16h. Vous restez avec nous, Emmanuel Guédon. On revient dans quelques instants. On fait une petite pause et on va écouter un peu de musique également. Vous aimez les Bee Gees ? Ah oui. Eh bien, écoutez, alors on va écouter les Bee Gees. C'était pas du tout prévu, mais comme vous aimez, bah écoutez, on va écouter More Than Woman sur France Bleu. À tout de suite, Emmanuel. À tout de suite. Ce soir, on sort votre magazine 100% Poitou Charente, 17h-19h sur France Bleu. Chaque soir de l'été, les plus grands hits de la chanson française sont sur France Bleu. Tu m'emmèneras. France Bleu Blanc Hit. La meilleure musique en français dans le texte. France Bleu Blanc Hit. Voici les clés de ton bonheur. Il n'attend plus que toi. France Bleu Blanc Hit. Tous les soirs, tout l'été sur France Bleu, 20h-22h. The Bee Gees, More Than a Woman. Un morceau d'ailleurs que je dédie à Josette qui nous écoute sur France Bleu. Josette Célina qui apprécie ce morceau et qui aime France Bleu. Et nous sommes toujours avec Emmanuel Guédon et nous parlons de ce spectacle En attendant Coco de la compagnie Le Loup qui zozote. C'est ce jeudi et vendredi 11, donc à 11h mais également à 16h, spectacle d'à peu près 35 minutes, donc ça se passe ce jeudi et ce vendredi, n'hésitez pas, hein, c'est super. De toute manière, on en parlera avec Emmanuel, ça se passe à Chauvigny. Emmanuel, est-ce que vous êtes toujours là, j'imagine? Oui, bien sûr. Oui. Alors la musique, vous avez aimé? Oui, puis ça a pas pris une ride. Hein. Non, ça vieillit bien, ça. Hein. Oui. Contrairement aux humains. Alors, Emmanuel, est-ce que vous pouvez nous parler de ce spectacle en lui-même? Quelle est l'histoire et cette intrigue? On est parti d'un canevas assez classique en marionnette à gaine, c'est-à-dire avec trois personnages principaux, une belle, un gentil et un méchant. Et il succède toute une série de péripéties entre ces trois personnages. Il y a une histoire d'amour qui se développe, et puis un méchant qui essaie d'entraver cette histoire, etc. Et puis après, il y a des personnages un petit peu récurrents que l'on trouve beaucoup dans les marionnettes de Polichinelle également. C'est par exemple le personnage du chien, qui est un personnage vraiment récurrent. Et puis il y a toute une série d'autres personnages qui vont interférer également, ce qui donne une histoire assez mouvementée, vivante et rythmée. Voilà, avec une fin qui se termine très bien. Une fin qui se termine très bien, c'est généralement ce qui se passe, et tant mieux d'ailleurs. Est-ce que c'est une histoire qui est figée ou bien c'est des histoires qui peuvent tout de même changer en fonction du public que vous avez, en fonction de l'interaction également avec le public? Non, c'est vraiment un spectacle qui est en fait très peu interactif, parce que nous, on est quand même caché derrière le Castelet. Donc un Castelet, c'est le théâtre de marionnettes. On fait apparaître autour de ce théâtre de marionnettes différents types de marionnettes, sur une table, au niveau de la gaine, donc en hauteur. Et on a très peu d'interactions possibles avec le public. Nous, on les entend réagir. C'est le public vraiment qui nous porte et qui nous permet d'être concerné jusqu'au bout sur la représentation, mais c'est une histoire qui est vraiment maintenant, surtout après 520 représentations, qui est vraiment inscrite dans notre corps et dans nos mouvements. C'est ça, donc dans l'ADN, ça c'est vous êtes imprégné de ce personnage, ou peut-être le personnage qui s'est imprégné de votre personnalité. Vous y arrivez tout de même à faire la distinction? Vous ressortez facilement ou bien c'est parfois compliqué de sortir de son personnage à la fin des spectacles, bien sûr? Ah oui, parce que là, on arrive tout de suite à sortir, et d'autant plus qu'après chaque représentation, ce que l'on aime bien faire, c'est garder un petit peu encore le public avec nous sur une quinzaine de minutes, et de leur présenter ensuite tous les personnages qu'ils ont vus, les marionnettes, présenter les objets et les instruments de musique. Et c'est généralement, ça nous permet de prolonger la rencontre avec le public, et de savoir aussi qu'est-ce qu'ils ont compris par rapport à l'histoire, et de poser des questions. Et c'est un moment qui est pour nous très précieux de garder ça, ce qui nous permet du coup de sortir assez facilement de l'histoire qui vient de se dérouler. Et à la fin de ces spectacles, Emmanuel, est-ce que vous avez des personnes, alors je pense moi plutôt aux enfants, mais ça peut être également les adultes, qui sont intéressés, intrigués par toutes ces marionnettes et qui vous posent des questions sur comment fait-on pour devenir marionnettiste? Oui, ça arrive. C'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure concernant des enfants, ouais, on va dire autour de 7-9 ans. Effectivement, c'est des questions, c'est très intriguant, hein, le spectacle vivant, de toute manière. D'autant plus que nous, ils voient effectivement la partie marionnettique. Ensuite, ils nous voient. Ils savent pas combien il y a de personnes au début du spectacle qui sont derrière le Castelet. Et quand ils nous voient sortir à deux, donc déjà, c'est aussi une rencontre qui est un peu surprenante pour eux. Et après, quand on échange avec eux, il y a ces questions-là qui peuvent être très techniques, comment on fait telle ou telle apparition, tout ça. Et puis après, ça peut venir effectivement le métier de marionnettiste, comment est-ce qu'on devient marionnettiste, et quelles sont les écoles qui permettent aussi de suivre cette formation-là, le théâtre. Mais comme on leur explique aussi facilement que c'est l'art de la marionnette est un art vraiment, on va dire, qui regroupe beaucoup, beaucoup de secteurs. Ça peut être évidemment comme dans le théâtre avec la lumière, avec la mise en scène, avec la confection, l'interprétation, l'écriture. Donc c'est toutes les branches du théâtre qui sont réunies avec cette spécificité marionnette. Donc il y a beaucoup, beaucoup de possibilités de se former autour de la marionnette à travers déjà une bonne connaissance, notamment en théâtre et en comédien. En attendant de se former, n'hésitez surtout pas, en tout cas, d'aller voir ce spectacle. En attendant Coco, qui est proposé par la compagnie Le Loup qui zozote, c'est ce jeudi et vendredi à 11h, mais également à 16h. Hein, deux représentations. Vous avez évidemment toutes les informations sur le site leloupquizozote.org. Merci infiniment, Emmanuel. Merci beaucoup pour votre invitation. Merci à vous et puis à très bientôt. Vous saluez Mathilde Chabot de ma part, s'il vous plaît. Je le ferai. Oui. Merci, très bon spectacle en tout cas. À très bientôt Emmanuel. À bientôt, au revoir. Au revoir. Suivez le guide. Ce soir on sort jusqu'à 19h sur France Bleu. 18h27, on retrouve Laurent Petit-Guillaume pour la série Francis Cabrel, sa vie en chanson, avec aujourd'hui cette chanson hors saison, un titre sorti en 99, n'est-ce pas Laurent ? Effectivement, cette année-là, Cabrel publie son 9e album, Hors Saison. Ce titre est également le nom de l'une des 12 chansons du disque. C'est la première fois que Francis pose un texte terminé sur le piano. Habituellement, il compose d'abord une mélodie à la guitare, qui lui inspire ensuite les paroles. L'auteur-compositeur considère Hors Saison comme une œuvre à part dans son répertoire. De l'herbe ancienne dans les bacs à fleurs sur les balcons. Francis Cabrel réalise avec Hors Saison un travail d'orfèvre au niveau de l'écriture. En écoutant la chanson, les images surgissent, on est immédiatement transporté dans une station balnéaire. C'est quand même un peu de cinéma aussi la chanson, donc on promène comme une caméra très lente, en essayant d'expliquer, parce que justement comme on est privé d'images, c'est le cas de le dire au sens propre, mais il faut qu'au sens figuré justement, il y ait celui qui écoute puisse voir le cheminement, comme ça passe par certains objets, c'est vrai qu'ils sont très représentatifs, ça donne comme un état d'esprit général. Francis Cabrel, sa vie en chanson. La mer quand même dans ses roulons continue, son même thème, sa chanson vide. Comment avez-vous trouvé cette expression hors saison, cher Francis ? Je me baladais en fait dans une ville balnéaire d'ici très célèbre, c'était l'hiver, et quelqu'un a dit « Oh, c'est beau hors saison ». Mais bon, c'est une banalité finalement, mais c'est le terme hors saison qui m'est resté, et de la chanson est partie. Quoi. Donc ça part d'un mot, ça part pas toujours d'un sentiment, des fois ça part de la contrainte d'avoir ce titre, et il n'y a rien derrière. On pourrait tout prendre, les murs, les jardins, les rues. On pourrait mettre aux boîtes aux lettres nos prénoms dessus. Ou bien peut-être un jour les gens reviendront. On doit être hors saison. Avant d'être le titre d'une chanson, Hors Saison a été le titre d'un livre paru en 1997, illustré par des photos de son ami Claude Gassian. Cet ouvrage n'a pas rencontré le succès. Francis Cabrel trouvait son titre trop beau pour le laisser perdre. C'est le silence qui se remarque le plus. Les volets roulants, tous descendus. De l'herbe ancienne dans les bacs à fleurs sur les balcons. On doit être hors saison. La mer quand même dans ses rouleaux continue. Son même thème, sa chanson vide et têtue, pour quelques ombres perdues sous des capuchons. On doit être hors saison. Le vent transperce ses trop longues avenues. Quelqu'un cherche une adresse inconnue. Et le courrier déborde au seuil des pavillons. On doit être hors saison. Une ville se fane dans les brouillards salés. L'océane est trop près. Les tourments la condamnent aux écrans de fumée et personne ne s'éloigne du quai. On pourrait tout prendre. Les jardins, les rues, on pourrait mettre aux boîtes aux lettres nos prénoms dessus. Ou bien peut-être un jour les gens reviendront. On doit être hors saison. La mer quand même ses rouleaux continuent, son même thème, sa chanson vive. Oh, où es-tu? Tout mon courrier déborde au seuil de ton pavillon. On doit être hors saison. Une ville se fane. Les brouillards salés, oh, la colère océane est trop près. Les tourments la condamnent aux écrans de fumée et personne ne s'éloigne du quai. Magnifique morceau de Francis Cabrel, Hors saison, sa vie en chanson. Cette série qui est présentée par Laurent Petit-Guillaume, qu'on retrouve dès demain et que vous pouvez réécouter évidemment sur francebleu.fr ou l'application Radio France. Ah, programmateur chez France Bleu la nuit, very good trip. France Bleu collector. C'est nos limites. Sur les pépites. France Bleu Collector, le son qui met tout le monde d'accord. Chaque soir de la semaine, 22h-1h. France Bleu. AV citoyen. Que s'est-il réellement passé entre les Gaulois et les Romains à Mediolanum? Banquet et village gallo-romain, spectacle de rue, Joseph Chédid en concert, du 10 au 12 août, entre antique et contemporain, le festival site en scène Viva Sainte est fait pour vous. Retrouvez le programme complet sur ville-sainte.fr. Quand vous écoutez France Bleu, vous n'êtes pas n'importe où. Vous êtes chez vous. France Bleu, au cœur de nos régions, de nos villes, de nos villages. France Bleu, ici, on parle d'ici. C'est un joli temps, un beau ciel tout bleu, il fait chaud, 26 à 30 degrés en ce moment même sur les départements du Poitou, Charente. Pour demain, bah écoutez, la matinée sera couverte avec des nuages qui seront présents notamment sur les départements de la Vienne et des Deux-Sèvres, avec également un risque d'averse, mais ces nuages disparaîtront progressivement au fil de la matinée et de l'après-midi pour laisser place à un ciel bien dégagé avec un grand soleil. soleil encore une fois demain. Les températures pour demain matin seront comprises entre 20 et 23. Et pour l'après-midi, alors 24 à 27 sur les îles et le littoral et 30 à 32 attendus demain sur les terres. L'infotrafic 100% local avec le groupe Barbier, distributeur Opel à La Rochelle et Rochefort, le spécialiste du véhicule hybride et électrique. Du côté de la circulation, alors un accident sur la A10 dans le nord de Poitiers. Si vous êtes du côté de Nétré en direction de Châtellerault, sachez que c'est très très très ralenti avec une vitesse moyenne de 11 km/h. Et du côté de La Rochelle, bah écoutez, ça circule bien pour le moment. Pas de ralentissement, même du côté de la Rocade et sur le pont de l'île de Ré, peut-être d'ici quelques minutes, mais pour le moment ça circule correctement. Le 05 46 50 67 68, si vous êtes témoin d'un phénomène sur la route, n'hésitez pas à nous appeler et puis soyez prudents, soyez vigilants. 17h-19h, ce soir on sort sur France Bleu. Excellent début de soirée à vous sur France Bleu. Restez avec nous dans une dizaine de minutes. On retrouve Chloé Nabédion pour sa chronique Les mots de la météo. Comme tous les jours, elle nous donne des explications sur les phénomènes de la météo. Aujourd'hui, elle nous parle d'orage. Sachez que vous pouvez également réécouter toutes ces chroniques sur l'application Radio France ou cherchez tout simplement dans la barre de recherche. Vous marquez les mots de la météo et elle apparaîtra comme par magie. Puis juste après, Marina Kaye, Heaven Bound, quelques idées sorties. Restez avec nous. Excellent fin d'après-midi ou plutôt bon début de soirée. I held a magnifying glass up to our love. Burned a hole right through it. And in the light of day I see the end of us. Guess I always knew it. But if the sun don't shine, I can trick my heart. You can still be mine if we stay in the dark. So shut the door. These walls wrapped in our lives, clinging to each other. But eventually the truth will come for us, like a knife-edged feather. If we could see the signs, we would break apart. But we still have time if we stay in the dark. So shut the door. Up to our love. Burned a hole right through it. And Marina Kaye, Heaven Bound sur France Bleu. Quelques petites idées sorties, on commence avec ce marché nocturne et concert. Donc ça a lieu demain de 18h à 23h30 sur la place de l'église à Saint-Clément-des-Baleines. Plus d'une quarantaine d'exposants. Il y aura de la décoration, des artistes également présents, des produits locaux avec de l'artisanat. Et pour les petits gourmands, il y a même des food trucks variés qui vous proposeront évidemment une restauration sur place ou à emporter avec un concert. À 20h, donc c'est demain le 10 août, sur la place de l'église à Saint-Clément-des-Baleines, également du théâtre demain. Est-ce que vous saviez que le peintre le plus populaire du monde n'a vendu de son vivant qu'une seule toile ? C'est la Vigne Rouge et c'est une femme, sa belle-sœur, Johanna von Gogh. On parle évidemment de von Gogh, qui en dépouillant plus de 700 lettres prend goût à sa peinture et révèle son œuvre. Eh bien, ce spectacle nous présente le génie de sa peinture en mots et en projection de ses tableaux. Ça a lieu demain également, ce soir à la salle des fêtes de Saint-Saviol à 21h pour jouer cette pièce. Donc, une Van Gogh, c'est le théâtre qui est proposé par la compagnie de La Trace qui vous propose une nouvelle tournée à vélo pour la troisième édition d'Escale en scène en Civrésien. Ça, c'était les petites idées sorties à faire ce soir et demain et 18h42 sur France Bleu. Nous, on continue en musique avec un magnifique morceau qui nous plonge quelques années en arrière avec Garou et Céline Dion, Sous le vent sur France Bleu. Et si tu crois que j'ai peur, c'est faux. Je donne des vacances à mon cœur, un peu de repos. Et si tu crois que j'ai eu tort, attends. Respire un peu le souffle d'or qui me pousse en avant. Et fais comme si j'avais pris la mer. J'ai sorti la grande voile et j'ai glissé sous le vent. Mais comme si je quittais la terre, j'ai trouvé mon étoile, je l'ai suivie un instant. Sous le vent, et si tu crois que c'est fini, jamais. C'est juste une pause, un répit après les dangers. Si tu crois que je t'oublie, écoute. Ouvre ton corps au vent de la nuit, ferme les yeux et fais comme si j'avais pris la mer. J'ai sorti la grande voile et j'ai glissé sous le vent. Fais comme si je quittais. J'ai trouvé mon étoile, je l'ai suivi un instant. Sous le vent, et si tu crois que c'est fini, jamais. C'est juste une pause, un répit après les dangers. C'est comme si j'avais pris la mer. J'ai glissé sous le vent. Mais quand si je quittais la terre, j'ai trouvé mon étoile, je l'ai suivi un instant. Mais comme si j'avais pris la mer, j'ai sorti la grande voile et j'ai glissé. Je l'ai suivi un instant. good, we were gold. Time to dream that can't be sold. We were right till we weren't. Built a home and watched it burn. Serious Flowers sur France Bleu. Les chaleurs de l'été sont souvent accompagnées d'orages et vous êtes probablement demandé comment naît ce phénomène. Eh bien, tout l'été sur France Bleu avec notre partenaire Météo France, on vous explique les mots de la météo. C'est avec vous, Chloé Nabédian. On observe, hein, les orages sont beaucoup plus fréquents l'été. Il doit forcément y avoir une raison à ça, non ? Oui, c'est vrai que l'été, chaleur et orage cohabitent et ce lien qui existe entre les deux s'explique. Il n'y a pas d'orage sans cumulonimbus, ce nuage géant qui s'élève depuis quasiment le sol jusqu'à parfois 15 km d'altitude. L'été, l'air au sol est très chaud et plutôt humide, alors qu'en altitude, il fait froid, voire très froid et sec. Quand ces deux ambiances se rencontrent, ça ne se passe pas très bien. Cela crée des courants d'air verticaux qui forment d'énormes nuages, notre fameux cumulonimbus. Et dans cet énorme nuage, il y a beaucoup d'agitation. Le vent circule vite, il agite les gouttelettes d'eau et les cristaux de glace dans tous les sens, ce qui crée de l'électricité statique. Les phénomènes sonores, le tonnerre et optique, les éclairs de cette activité électrique constituent la foudre. Météo France peut prévoir quasi systématiquement l'arrivée des orages. En revanche, c'est compliqué de connaître à l'avance leur intensité et surtout le lieu où va tomber la foudre. Avec le réchauffement climatique, les orages ne sont pas forcément plus fréquents. En revanche, ils sont devenus plus violents, accompagnés de pluies de plus en plus intenses. Les mots de la météo, Chloé Nabédian. Rares sont les territoires épargnés par la force des orages. Les inondations sont le plus souvent d'ampleur. Et la campagne n'est pas plus épargnée que la ville. Le Royaume-Uni a probablement trouvé une solution et c'est de la composition de ces tourbières qu'elle lui vient. En effet, le Royaume vient de comprendre que les tourbières, qui représentent quand même 10% de son territoire, possèdent une énorme capacité d'absorption des eaux d'orage grâce aux sphaignes qui les composent. Alors, dans les années 2010, le pays s'est lancé dans un vaste programme de reconstitution de ces tourbières qu'il avait longtemps délaissées, voire détériorées au profit d'une agriculture extensive. Et les résultats sont bluffants. Depuis une petite dizaine d'années, le Royaume-Uni constate un net retardement des ruissellements dans les zones concernées lors des pics de crues d'orage. Par ailleurs, les tourbières se révèlent de véritables stations d'épuration naturelle puisqu'elles débarrassent l'eau de ses différents polluants, nitrates et sédiments, lors de son passage dans ses fibres pour la restituer dans une qualité qui permet sa consommation par les populations. Dernier intérêt des tourbes, et non des moindres, ces écosystèmes saturés d'eau sont capables d'absorber et de stocker deux fois plus de CO2 généré par l'homme que ne le font les forêts mondiales. Je découvre donc les qualités des tourbes. Je vous incite d'ailleurs à vous rendre sur le site francebleu.fr où nous avons déposé des photos et des infos si vous vous intéressez à ce sujet ou si vous avez tout simplement envie d'en savoir plus. Merci à Chloé Navédian. On vous retrouve demain, même lieu, même heure. J'en profite pour rappeler que tous ces mots de la météo, vous pouvez les retrouver sur notre site francebleu.fr ou tout simplement sur l'appli Radio France. Et ici, à demain, Chloé. Et puis nous, pour l'heure, pour terminer cette heure, en beauté avec ce magnifique morceau de Michael Jackson, Thriller sur France Bleu. Between the eyes.